L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Katia Van Ostende. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Guy Poirot, président de l'association Le Festival. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un festival qui aura lieu très prochainement, c'est-à-dire du 25 au 27 août à Saint-Antoine-de-Ficalba. Il s'agit de la troisième édition du Festival de musique sacrée du monde. C'est bien ça. Et durant trois jours, un programme bien rempli, avec beaucoup d'animations proposées. Avant de rentrer dans le détail du programme, pouvez-vous un petit peu nous présenter l'association ? Oui, volontiers. Alors, l'association existe. Alors, ça a été un petit historique pas complexe, mais il y a eu deux étapes. Quand on a démarré le festival, donc il y a trois ans, on ne savait pas trop où on allait. On avait envie de le faire, mais on ne savait pas trop où on allait. Et donc, on s'est appuyé sur une association culturelle qui existait déjà à Saint-Antoine, qui nous a gentiment autorisé, disons, à faire partie de l'association et en même temps monter le premier festival. Ça parce qu'on ne savait pas trop où on allait, hein, on démarrait. Et puis comme la première année ça a très bien marché, et bien on s'est dit on continue et on crée notre propre association qui s'appelle Le Festival. Et voilà, et depuis deux ans on travaille avec cette association. Et donc cette année, c'est la troisième édition de ce festival, un festival qui petit à petit donc, remporte un certain succès, vous l'avez dit. Un festival qui se veut assez éclectique et qui est quand même assez ciblé, puisque le festival a pour titre le festival de musique sacrée du monde, c'est ça ? Oui, alors là aussi il y a eu une petite évolution puisqu'au départ ça s'appelait Festival de musique sacrée et au singulier. Et puis on s'est rendu compte finalement que dans la programmation, eh ben, on invitait des Sardes, des Corses, des Bulgares. C'est plutôt centré sur musique sacrée, mais on a préféré ajouter musique sacrée du monde pour présenter un petit peu l'idée qui maintenant sous-tend un peu toute la programmation, quoi. Justement, parlons de la programmation de ce festival. Un festival qui va démarrer donc le vendredi 25 août. C'est ça. Déjà en fin de journée, à partir aux environs de 17h. Voilà, alors on commence, donc il y a cinq concerts pendant les trois jours, mais on commence avec, l'inauguration du festival, et en particulier deux expositions. On fait le vernissage de deux expositions, puisque évidemment c'est un festival de musique, mais on a voulu ouvrir à autre chose que simplement les concerts. Et donc, on commence par deux expositions, enfin l'ouverture, l'inauguration de deux expositions. On a invité une plasticienne de Villeneuve qui s'appelle Nadine Marcon, qui travaille l'art textile et qui a choisi de travailler sur les quatre éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. On n'est pas très loin du sacré là aussi, ou du symbole en tout cas. Et donc, c'est deux situations. Il y a une installation qui a lieu sous les cornières. Et ensuite, on lui a réservé une salle d'exposition donc, où elle présente une vanité. Alors, dans l'histoire de l'art, une vanité, c'est un rappel de la Bible, justement, et de la vanité du monde et des vanités. Vanité s'entend dans les deux sens, hein, autant l'orgueil que le côté vain des choses. Donc ça, c'est une première exposition. On a invité un photographe. Alors, ça tombe bien, il est de Colérac-Saint-Cyr, Nicolas Roth, qui présente lui aussi. Alors, c'est de la photo, bien évidemment, mais en installation. C'est-à-dire que les photographies ne sont pas présentées sur le mur, mais avec des pieds, des éléments, disons, qui les mettent en valeur. Et dans ce cas-là, ce sont des photographies qui partent de la réalité, mais qui tirent plutôt vers l'abstraction. Il le dit dans le flyer que nous proposons, manier l'appareil photo comme un outil pour révéler l'abstraction. Et donc ça rejoint un petit peu cette idée de sacré, c'est-à-dire passer du profane ou du prosaïque à une autre dimension, plus transcendante, disons. Hein. Et donc ça, c'est le début du festival. On montre ces deux expositions. Et voilà. Ensuite, on enclenche sur le... avec les concerts. Concernant les deux expositions, ces expositions pourront, j'imagine, être vues tout au long de Oui. C'est ouvert pendant les trois jours. Voilà, exactement. Donc voilà, si les personnes ne peuvent pas être présentes dès le vernissage le vendredi, il est tout à fait possible donc, de venir le samedi ou le dimanche pour découvrir ces deux expositions. Y compris le soir, d'ailleurs. Y compris le soir, pendant les concerts ou après les concerts, c'est, sera visible. Ensuite, donc, après cette, on peut dire, une sorte d'inauguration pour lancer la première soirée de ce festival, il y aura donc le premier concert. Oui. Alors, le premier concert, c'est un groupe, ils résident en Bigorre, ils font partie d'un groupe plus important qui s'appelle Polyphonie de Bigorre, mais là, c'est trois des chanteurs du groupe qui s'appelle Unpervox, qui ont fondé un autre groupe, Unpervox, et c'est donc des polyphonies, hein, à trois voix masculines, et ils chantent un répertoire qui va du Pays Basque à la Bigorre, l'Occitanie, bien évidemment. Évidemment, mais plus large aussi, puisqu'ils interprètent des chansons d'Europe centrale. C'est là qu'on rejoint cette idée de musique sacrée du monde, quoi. C'est un groupe français, mais avec un répertoire plus important. Ça, c'est le premier concert. Voilà. Et puis ensuite, en deuxième partie de soirée. Alors, et non. Alors non, là, on a dû annuler cette partie. C'était annoncé, ça nous faisait beaucoup plaisir. On travaille avec un organisme du Lot-et-Garonne qui s'appelle Pays d'Art et d'Histoire. Dès la première année, on l'avait fait. On a renouvelé ça l'année dernière. Et donc, on avait prévu cette chose-là. Mais pour un cas de force majeure, malheureusement, ça, on doit annuler. Mais malgré tout, la soirée après concert se prolonge. Longera à la buvette, puisqu'il y a une buvette où on peut manger, où on peut boire un verre, discuter. Les artistes, en général, après le concert, viennent là. Et dans ce cas-là, il y aura trois groupes de chanteurs qui viendront pendant le festival. Donc, Unpervox, premier concert qui va prolonger un petit peu. On en parlera tout à l'heure, mais le groupe Scherzando d'Agen nous a aussi gentiment dit qu'ils interpréteraient quelques chansons. Et il y aura même un chanteur de Corps de la Plana, un autre groupe qu'on a invité, qui feront une sorte de petit concert improvisé à la buvette, une sorte de veillée chantée. Quoi. Voilà, histoire de poursuivre un petit peu, voilà. Et puis de continuer un petit peu dans la convivialité, l'échange. C'est ça. Hein, c'est l'objectif aussi de cette fin de soirée. Pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous accueillons dans nos studios Guy Poirot, qui est le président de l'association Le Festival et qui organise la troisième édition du Festival de musique sacrée du monde, qui aura lieu du 25 au 27 août à Saint-Antoine de Ficalba. Alors, poursuivons, passons maintenant à la journée du samedi, 26 août. Alors, le samedi, donc, il y a trois moments, disons, de cette journée-là. Dans l'après-midi, et ça correspond à notre volonté d'ouvrir à autre chose que des concerts, on fait une projection. Et d'ailleurs ça, c'est aussi en collaboration avec le cinéma Utopie à Sainte-Livrade. Et c'est une manifestation, celle-là, qui est gratuite. C'est la projection d'un film qui s'appelle, en anglais, The Music of Strangers. C'est passionnant, ça il ne faut pas rater. C'est le très grand violoncelliste Yo-Yo Ma. Il ne sera pas présent, hein, je signale, mais il a monté il y a quelques années un orchestre qui s'appelle le Music of Strangers, c'est ça, qui réunit des chanteurs de toutes les traditions musicales qui sont sur la route de la soie, partant de la Chine et avançant vers le Moyen-Orient. Donc, des traditions musicales très diverses. Il les a réunies dans un orchestre, un ensemble, qui s'est produit beaucoup et à travers le monde. Et là, de nouveau, on est dans musique du monde. Et il y a eu un film qui a été fait de ça, qui retrace un peu toute l'histoire, la création, les répétitions, les concerts, les points de vue, toutes les tendances musicales qui sont là-dedans. Et donc, on a décidé de projeter ce film. Voilà. Voilà, donc on rappelle que ça sera à 15h30 le samedi 26 août dans la salle des fêtes de Saint-Antoine de Ficalba. Hein. Voilà, les concerts ont lieu dans l'église, puisque on l'a appris en cours de route. On est la deuxième, après Saint-Étienne à Villeneuve-sur-Lot, meilleure église du Lot-et-Garonne pour l'acoustique. Et tous les chanteurs qu'on a invités nous ont dit « fabuleux ici ». On n'a aucune technique, hein. Ils chantent tous acoustique, quoi, sans technique. Mais donc, il y a deux manifestations qui sont hors de l'église, qui sont cette projection, et plus tard, on parlera de la conférence aussi. Très bien. Et puis donc, ensuite, à 18h30, il y aura un premier concert ? Alors voilà, ensuite il y a deux concerts, 18h30 et Tchécoac, polyphonie basque. Alors ça, je crois que c'est très connu et très apprécié, les polyphonies basques. Et ce sont autant des chants sacrés que, alors sacrés d'église, disons, hein, puisque la notion de sacré, elle est à prendre dans un sens large. Hein, c'est pas seulement de la musique religieuse et pas non plus de la musique chrétienne. Mmh. Hein, c'est d'autres traditions. En l'occurrence, c'est de la musique chrétienne pour ce qui est de Tchécolac, mais ils ouvrent à des chants profanes avec toute la beauté et presque le côté pathétique qu'il peut y avoir dans les voix basques, hein, voix masculines, hein, basques. C'est un groupe de 25 chanteurs et voilà, on s'attend à quelque chose de superbe. Et oui, dans l'église, je pense que ça va donner encore plus d'ampleur à ce groupe. Très bien. Et puis donc ensuite, deuxième concert à 21h. Voilà, 21h, toujours le samedi. Donc là, on a invité un groupe, ils sont basés à Marseille. C'est un groupe, alors là, il y a voix et instruments. Et en particulier des instruments du sud de la Méditerranée, hein, bendir, tambour, darbouka, ce genre d'instruments. C'est aussi de la polyphonie. Ils chantent en occitan, mais aussi en d'autres langues de la Méditerranée, disons. Et ça, c'est très... comment on va dire ça, le côté, leur performance est très proche de la transe presque, hein. C'est-à-dire que ça monte progressivement jusqu'à des rythmes répétitifs de tambours, de choses comme ça. Sur le site, on a mis quelques vidéos, on peut s'en rendre compte. C'est ça aussi, on s'attend à quelque chose de qui va soulever l'enthousiasme sûrement. Et ça sera certainement un véritable dépaysement, un voyage musical, si on peut c'est dire. C'est ça, hein. Exactement. Ensuite, la dernière journée, voilà. Ça sera le dimanche 27 août, et là, ça démarre déjà à 14h30. Alors, toujours voilà, dans l'après-midi, et toujours à la salle des fêtes, on a invité, et c'est la deuxième année, une professeure de philosophie de Toulouse qui vient explorer, préciser, corriger cette notion de sacré. Alors, l'année dernière, elle avait intitulé sa conférence « Où est le sacré ?» pour montrer justement que si on part de cette opposition profane et transcendantale, disons, on peut trouver, préciser, définir cette notion de sacré hors du domaine religieux. La voix, l'élévation ou le transport que la voix, ou la musique en général, mais la voix peut apporter. Alors, l'année dernière, donc, ça s'appelait « Où est le sacré ?» Et puis, elle nous a dit, quand on a préparé cette troisième édition, qu'elle n'avait pas tout dit, qu'elle avait encore des choses à dire. Hein. Donc, on l'a dit, bon, on la réinvite cette année. Et cette année, sa conférence va s'appeler « Le corps du sacré ». La voix humaine est immatérielle, mais malgré tout, elle s'enracine dans un corps, et même dans une gorge. Et donc elle va explorer cet autre volet de la définition du sacré. Voilà donc pour cette conférence sur le corps du sacré avec Catherine Fondimard. Ça sera à 14h30 et on précise que cette conférence est gratuite. Hein. Oui, très bien, aussi gratuite. Et puis ensuite, deux autres concerts. Alors voilà, on termine donc ce festival par deux concerts. Alors, en milieu d'après-midi, enfin à 16h30, on a invité l'ensemble, le chœur féminin d'Agen, qui s'appelle Scherzando, cette voix féminine dans ce cas-là. Là, on est plus par leur programmation dans ce qu'on a l'habitude d'appeler la musique classique, puisqu'il y a du Mendelssohn, Poulenc, même moderne, disons. Hein. Il y a quelque chose de tout à fait exceptionnel et très enthousiasmant aussi, qui est la messe jazz de Bob Chilcote. Alors, ça, c'est assez proche des Negro Spirituals, mais en même temps, c'est de la musique, disons, et c'est un mélange, disons, de tout ça, d'anciens, de plus anciens et de contemporains, de modernes. Voilà, ça aussi, on s'attend à quelque chose de pas mal. Elles ont des voix exceptionnelles. Hein. Si on ne connaît pas le groupe Scherzando d'Agen, il faut aller les écouter. Ça sera l'occasion. Oui. Et puis, dernier concert à 18h30. Voilà. Alors, le dernier concert, donc, c'est un groupe qui est aussi localisé en Provence, qui associe un orchestre, l'ensemble Nekuda, qui sont quatre musiciens avec des instruments, disons, de la Moyen-Âge Renaissance, et qui vont jouer avec une très grande chanteuse de la tradition juive, qui est Françoise Atlan. Un mélange, disons, donc, de musique et de chant. Alors, là aussi, l'aspect, disons, historique est intéressant parce que ce sont des chants où on retrouve une tradition musicale qui est à la fois italienne, baroque, provençale, médiévale par certains aspects et par les instruments. Un mélange de tout ça. Et qui donne, en plus de l'aspect historique, une sensation, je crois, d'élévation, de transcendance, de louange, disons. Hein. Et là aussi, je suis persuadé que ce sera... on est très confiants dans le programme qu'on a fait. On met très longtemps à bâtir un programme. Hein. J'imagine, On termine fin août. Pour toutes les autres années, ça a été la même chose. Et en septembre, on commence, quoi. Voilà. Et oui, pour penser à l'année suivante. C'est un an de travail. Voilà. Un concert, donc un festival de qualité à ne pas manquer, qui va devenir incontournable dans notre département, donc le Festival de musique sacrée du monde, 3e édition cette année, les 25, 26 et 27 août à Saint-Antoine de Ficalba. Pour terminer, Guy Poirot, puisque nous arrivons presque à la fin de l'émission, on va peut-être indiquer les tarifs et puis aussi les coordonnées pour les réservations. Oui. Alors, donc, il y a certaines manifestations qui sont gratuites. Autrement, les concerts, pour les tarifs des concerts, ça va entre 9 euros et 15 euros, avec des tarifs réduits pour les demandeurs d'emploi, pour les personnes handicapées, pour toute personne, et les étudiants. Et c'est même gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, pour les réservations, pour les places, il est peut-être conseillé de réserver Alors, il y a certains concerts qui attirent beaucoup de monde. Donc, si vous êtes intéressé par ce qu'on a dit sur la programmation, il faut commencer tout de suite à réserver. Je donne le numéro. Bien sûr, allez-y. Alors, donc, on peut réserver au 06 08 80 80 21. 06 08 80 80 21. Je signale d'ailleurs que cette année, c'est une création, disons, un petit peu nouvelle. Il est possible d'acheter un pass pour tous les concerts, c'est 50 euros. Et c'est très avantageux par rapport, disons, aux tarifs. Et puis, on a un site internet, oui. On en dit un mot. Oui, puisque ça permettra aux éditeurs de retrouver un petit peu le programme. Très bien. Alors, donc, le site, on tape... Sacre, comme si c'était sacré au féminin, mais sans accent. Donc sacree-saint-antoine.fr. Et là, on a tout le détail, on a des commentaires sur les plasticiens, les expositions, on a des vidéos sur les groupes qu'on a invités, tout ça. Voilà, on a plein de choses. Alors rendez-vous à Saint-Antoine de Ficalba pour donc ce Festival de musique sacrée du monde, 3e édition cette année, du 25 août au 27 août. Et on rappelle encore une fois le numéro de téléphone pour les réservations, le 06 08 80 80. 21. Je crois qu'on a tout dit, Guy Poirot. Il me semble, oui. Voilà. On invite tout le monde donc à se rendre à ce festival et je vous remercie d'être venu dans nos studios. Mais je vous remercie de m'avoir invité, c'est très gentil. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Le Festival qui organise cet événement à Saint-Antoine de Ficalba et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon festival. Merci beaucoup, merci. On espère voir plein de monde. Je vous le souhaite également. Merci, au merci, revoir. Merci, au revoir. C'était l'invité du jour, animé par Ketia Van Ostende.